dois faire mes devoirs, comme les grands j'ai des leçons que j'apprends chez moi le soir. Je me mets dans un coin de la cuisine, près des pots de miel et farine. Alors je sors de mon cartable, mes livres et mes cahiers, pendant que maman met la table et nous prépare le dîner. La maîtresse veut pour demain qu'on sache compter jusqu'à 20. Elle a dit qu'on n'aura pas le droit de le faire sous le bout de nos doigts. En classe, tous les mardis, on nous apprend les pays sur une boule en couleur qui s'éclaire de l'intérieur. Quand je rentre à la maison, je dois faire mes devoirs, comme les grands j'ai des leçons que j'apprends chez moi le soir. Je me mets dans un coin de la cuisine, près des pots de miel et farine, et à côté de mon cartable, mes livres et mes cahiers. Maman finit de mettre la table et s'approche pour m'aider. Dans mon cahier de poésie, je dois dessiner pour jeudi une rivière et des poissons juste à côté de la chanson. Je sais écrire mon prénom avec le bar et un rond. Les lettres de l'alphabet, je dois apprendre leur nom. Quand je rentre à la maison, je dois faire mes devoirs, comme les grands j'ai des leçons que j'apprends chez moi le soir. Je me mets dans un coin de la cuisine, près des pots de miel et farine. Je range au fond de mon cartable mes livres et mes cahiers, car maman se met à table et nous appelle pour dîner. Mais je peux pas y aller. Je peux pas y aller parce que... Ce matin à la rentrée, on a tous été punis. La maîtresse nous a grondés car on n'était pas gentils. Elle nous a donné à chacun à lui recopier pour demain une page d'écriture qu'on devra lui réciter. Et s'il y a des ratures, je devrais recommencer. Alors dans le coin de la cuisine, près des pots de miel et farine, je me remets à mon ouvrage en me disant que la prochaine fois, je serai un peu plus sage, je ne recommencerai.